J'aimerais vous en faire une très, très belle. J'aimerais ça vous chanter avec moi aussi. À toutes les fois que ça va dire « Vive la République, vive la liberté », j'aimerais ça vous chanter avec moi. De la barque vient là, la maîtresse de la barque. Son anneau est tombé. Vive la République. Son anneau est tombé. Vive la liberté. Quand donneriez-vous belle? Yeah.